Le presse et spécialistes chinois et russes affirment que les États-Unis sont responsables de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne. Le Takaobao, les journaux Global Times et quotidiens de la planète de Hong Kong de Chine ont indiqué que la Corée détient le nucléaire à cause de la pression des États-Unis et que la source de la menace de guerre nucléaire n'est pas la Corée, mais les manœuvres militaires américano-sud-coréennes. Le commentateur de la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine a rapporté que le lancement successif des missiles balistiques coréens est une partie de ces exercices militaires réguliers et expliqué qu'il est nécessaire que la communauté internationale reconnaisse que cela est une chose régulière, tout comme les exercices militaires américano-sud-coréens. Le commentateur de l'agence de presse Lia Novosti et autres spécialistes russes ont indiqué que le lancement des missiles balistiques coréens est une mesure naturelle vu l'actuelle situation dans la péninsule coréenne et que la Corée pratique la politique autodéfensive face à la puissante pression des forces extérieures.